Chapitre 3e. Les fantômes. Mais le prince lui saisit le poignet et l'arrêta net. « Inutile, » dit-il en montrant son habit troué par le coup de pistolet de tout à l'heure. « Inutile. Les balles ne me tuent pas et les épées glissent sur ma peau. » Puis ramenant le général jusqu'à son grand fauteuil, « Restez donc assis, général. Ne vous démenez pas ainsi. Nous avons parlé posément. Calmez-vous. Écoutez-moi. À quoi bon ? Il le faut. » Car vous serez forcé de m'entendre et de céder à mes propositions. Impossible. Nous sommes en France, général. Et en France, s'il est un mot qui n'a pas de sens, c'est le mot impossible. Jamais je ne céderai, jamais, jamais. C'est ce que nous verrons plus tard, dans peu de temps. Et sur un ton railleur, il poursuivit. Je reprends donc. Voici ce que je viens vous demander, ce que vous allez m'accorder. Je veux la part des millions qui revenaient à mon père, qui m'appartiennent, par conséquent. » Le général s'était assis. En se remettant dans son fauteuil, il porta machinalement la main vers le flacon d'eau-de-vie. Il en remplit son verre, qu'il vida plusieurs fois. Alors il parut trouver une nouvelle vigueur, une nouvelle force d'opposition, de résistance. « D'abord, s'écria-t-il, vous vous donnez comme prince Grégoriski. Je le suis, en effet. Qui me le certifie ? Vous m'avez connu, tout enfant. Il faudra me prouver que c'est vous. Quand cela sera nécessaire, je fournirai toutes les pièces qu'on me demandera. Nous verrons. Je vous montrerai en outre, à vous, quelques menus objets, des bijoux d'enfant que vous m'avez donnés au jour de fête, quand vous veniez chez mon père, quand j'allais chez vous. Il vous sera facile de les reconnaître. » Et présentant une chaîne de montre en or qui faisait le tour de son cou, à laquelle pendaient quelques médailles, il dit « Voici pour commencer une chaîne que vous m'avez donné et diverses médailles. Ces bijoux ne m'ont jamais quitté. J'en connais trop la valeur pour m'en défaire. Et je vois aujourd'hui que tous ces souvenirs me seront plus utiles que je ne croyais. Vous ne pourrez, grâce à eux, apporter aucune objection à mon identité. Rassurez-vous, général, j'ai pris toutes mes précautions pour prouver que je suis bien le prince Grégoriski. Je me suis absolument garanti au point de vue juridique. Je me suis aussi parfaitement à couvert contre toute enquête policière. Les sbires, les agents que vous pourriez lancer à mes trousses, ne m'atteindront pas. Nous ne sommes plus en Russie. L'arbitraire ici n'est pas la règle. Il y a des tribunaux qui rendent la justice, et le glaive de la loi ici ne disparaît pas quand un sabre de soudard veut se mettre à sa place. Il ne vous est pas plus possible de vous débarrasser de moi, en chargeant le gouvernement français de me jeter dans quelque prison d'où l'on ne sort jamais, que vous n'avez pu, avec votre pistolet infaillible, m'envoyer dans l'autre monde. Revendiquer mes droits au pays des fantômes. » Le général subitement se dressa. Il cria, tendant en avant ses mains énormes. « Fantômes, non, non, ne parlez pas de fantômes !» Le prince Grégoriski s'arrêta. Et il regarda avec étonnement le général qui maintenant tremblait, semblait en proie à une terreur insurmontable. Jusque-là, tant que le prince parlait, le général écoutait, tête penchée, ne le regardant même pas, comme quelqu'un obligé d'entendre un discours qui laisse couler le flot de paroles sans y attacher d'importance, sans les comprendre, sans les entendre même. Mais au moment où le prince parla de l'au-delà, le général releva la tête. Il redressa son énorme buste courbé, et il fit un haut-le-cœur quand l'orateur prononça le mot de fantôme. Le prince, pendant quelques secondes, demeura surpris, mais maintenant il souriait. Il souriait étrangement, d'un sourire railleur et féroce, qui montrait sous ses lèvres à peine relevées la blancheur des dents pointues et voraces comme celles des jeunes loups. Ses yeux brillaient d'une lueur cruelle, cupide, implacable. Et toute sa physionomie dénotait sa joie et révélait la certitude, qui maintenant était en lui, la conviction absolue de vaincre ce général de fer. Il allait dominer cet homme devant qui tant de gens, devant qui des villes, une nation entière, pendant de longues années, avaient tremblé éperdument. « Cet homme est à moi. » pensait le prince. Il eut comme la confirmation de cette intuition lorsque le général lui dit encore « Je te défends. Tu entends ? Je te défends de parler de fantôme. » Le prince, habile et subtil, voyant maintenant où se trouvait la faiblesse de ce colosse impitoyable, quelle était la paille de ce bloc de fer, s'inclina. Très doucement, il dit « Bien, général, bien, je ne parlerai plus de fantôme. » Mais il ajouta, en appuyant sur les mots, Seulement, si vous ne faites pas ce que je vous demande, les fantômes, eux, parleront pour moi. » Le prince toucha juste. Il venait d'appuyer sur ce point sensible, douloureux. « Non, non !» cria encore le général. « Non ! Il ne faut pas que les fantômes parlent. Il ne faut pas qu'ils parlent !» Et après un moment de lutte contre des êtres imaginaires, de combats désespérés, le général se laissa choir dans son fauteuil, accablé, anéanti.